بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنشرع في هذه الليلة في القراءة والتعليق على منظومة اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous allons commencer en cette nuit la lecture et le commentaire du poème Al-Lamiya qui est attribué à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et donc on va commencer directement à la page 3 pour ceux qui se sont procurés le manuel fait par la mosquée. À l'introduction. Donc فهذه المنظومة فيها 16 بيتا فهي مختصرة ومع هذا الاختصار فهي جمعت فوائد كثيرة من اعتقاد أهل السنة والجماعة. Et donc ce poème contient 16 vers. Juste 16 vers. C'est donc un poème qui est très concis. Et malgré ce caractère concis, ce poème rassemble beaucoup de profits liés à la connaissance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour ceux et celles qui veulent mémoriser le poème, on peut très bien donc s'asseoir après le cours et vous réciter les vers que vous avez appris. Donc chaque semaine, vous apprenez des vers et nous, on se retrouve après le cours pour réciter les vers. On peut donner donc par exemple un objectif de 2 vers par semaine. 2 vers par semaine, inshallah ta'ala. Et donc la semaine prochaine, pour ceux qui veulent mémoriser ces 16 vers, vous venez la semaine prochaine avec les deux premiers vers. فسميت اللامية لأن خاتمتها بحرف اللام. Et donc le poème il a été appelé اللامية. Pourquoi? Parce que la dernière lettre de chaque vers est la lettre lam en arabe. La dernière lettre de chaque vers est la lettre lam. فهذه المنظومة منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, ce poème il est attribué à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. وفي قولي إنها منسوبة أي أنني لا أجزم بذلك. Et lorsque j'ai dit que, et lorsque je dis que ce poème est attribué à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ça veut dire que je ne le dis pas avec certitude. Je ne dis pas avec certitude que ce poème est attribué, que ce poème est le poème de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. وهناك طرق لإثبات كتاب إلى مؤلفه. Il y a différentes méthodes pour savoir et affirmer qu'un livre est bien le livre d'un auteur spécifique. فمنها أن يأتينا الكتاب بإسناد صحيح إلى مؤلفه. Et parmi ces méthodes, il y a le fait que le livre nous parvienne avec une chaîne de transmission authentique jusqu'à l'auteur. Une chaîne de transmission authentique jusqu'à l'auteur. Cela nous permet d'être sûr que ce livre a bien été écrit par tel ou tel auteur. أو نص عليه مؤلفه في موضع من كتبه. Ou alors que l'auteur, il l'a dit clairement dans un passage de ses livres. Dans un autre livre, il dit, et d'ailleurs, j'ai écrit tel et tel livre sur tel et tel sujet. À ce moment-là, on est sûr qu'il a écrit tel et tel livre, que ça lui appartient, c'est son livre. أو ينص عليه أحد تلاميذه. Ou alors un des élèves du Cheikh qui affirme que le Cheikh a bien écrit tel et tel livre ou tel et tel poème. Et autre que cela comme méthode. وأما هذه المنظومة فليس فيها ما يجعلنا نجزم بنسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Par contre, ce poème, il n'y a rien qui nous permette d'affirmer avec certitude que c'est bien le poème de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. لَكِنَّهَا لَمْ تُنْسَبْ إِلَى غَيْرِهِ. Cependant, ce poème, il n'a pas été attribué à autre que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il a été attribué à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mais n'a été attribué à personne d'autre. Donc ça, c'est un premier point à prendre en compte. وَكَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْمَنْظُومَةِ فَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ يَعْتِقَادِ ابْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Et aussi, deuxième point à prendre en compte, c'est le fait que ce que contient ce poème, c'est ce que nous connaissons de la croyance de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ce qui est cité comme croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah dans ce poème est parfaitement en accord avec ce que cite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans ses livres et ses écrits. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله بيتا من أبيات هذه المنظورة من أبيات هذه المنظومة في أحد كتبه. Et certes, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a cité un vers de ses 16 vers dans un de ses livres. Il a cité un de ses 16 vers dans un de ses livres. Il a donc dit كبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Je répète. كبحا لمن نبذ القرآن وراءه. Il est à quelle page? Pour ceux, c'est à la page 9. À la page 9. Donc كبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Et ça, ce vers-là, je vais l'expliquer بإذنالله تعالى quand on va arriver à ce passage en détail بإذنالله تعالى. Et donc Cheikh al-Islam, il a cité un des vers de ce poème dans un de ses livres. وأيضا الظاهر من هذه المنظومة أنها جاءت جوابا لسؤال. Et donc, ce qui est apparent de cette manzuma, de ce poème, c'est qu'elle est venue, elle a été faite en réponse à une demande. Et ça, ça ne vous dit rien, ça? La manzuma, elle a été faite en réponse à une demande. Qui a déjà lu les écrits de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Ou alors un écrit de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Ça arrive très souvent. Kethiran jidden. Mashallah, mashallah, mashallah. Je te donne ça, s'il te plaît. Et donc, هذا كثير جدا. أن شيخ الإسلام ابن تيمية يسأل عن سؤال في العقيدة أو غيرها فيكتب فتوى أو رسالة أو كتاب وينشر هكذا. Et ça arrive très souvent que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il soit interrogé concernant un sujet dans la croyance ou autre, il écrive donc une fatwa pour répondre, ou un texte ou un livre, et cela est propagé. Très souvent. وفي هذه المنظومة أول بيت, le premier vers de cette manzuma, il dit quoi, Cheikh al-Islam? Il dit, du moins, il dit quoi, l'auteur? Il dit, يَا سَئِلِي عَنْ مَذْهَبِي وَعَقِيدَتِي رُزِقَ الْهُدَى مَنْ لِلْهِدَايَةِ يَسْأَلُ. Ô celui qui m'interroge concernant ma voie et ma croyance, celui qui demande concernant la guidée, alors la guidée lui est attribuée. Ça, c'est le premier vers du poème. Et donc, c'est une réponse à une question. Une réponse à une demande. Et ça, on le voit souvent. Man akthar al-qira'a fi kutub Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa mathalan fi majmou' al-fatawa fa sayajidu hadha kathiran. Une personne qui lit beaucoup le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ou qui lit beaucoup Majmou al-Fatawa, il va trouver souvent ce genre de choses. Réponse à la question de un tel, réponse à la question de un tel. Et Cheikh al-Islam, il en fait un livre. D'ailleurs, je vais vous lire un passage. Cheikh al-Islam, il dit dans Majmou al-Fatawa, « Wakultu lahum » Alors, je leur ai dit. Donc, ce sont des personnes qui l'ont interrogé concernant Al-Wasitiya. Concernant Al-Wasitiya, pourquoi elle a écrit, et les personnes, ils voulaient débattre avec lui concernant la croyance qui était citée dans Al-Wasitiya. Alors, il dit, « Fakultu lahum, هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضا الدين الواسطي من أصحاب الشافعي. Et donc il dit, la cause qui a fait que j'ai écrit cette épître, donc Al-Wasitiya, c'est que certaines personnes parmi les juges de Wasit sont venus me voir. Un cheikh qui est appelé Ridoddin al-Wasiti, faisant partie de Ashab al-Shafi'i. Ça veut dire quoi, Ashab al-Shafi'i? Hein? Des élèves de Shafi'i. Yassine nous dit des élèves de Shafi'i. Je veux une autre réponse, au cas où on ne sait jamais. Peut-être qu'il se trompe, peut-être. Deuxième réponse de Yassine, ceux qui s'apparentent au mezheb de Shafi'i. Les gens qui ont accompagné l'imam Shafi'i. Et donc, lorsque j'ai vu ce mot Ashab Shafi'i, ça m'a fait tic. Pourquoi? Parce que Shafi'i, il est mort en quelle année? Il est mort en 204 de l'Hégire. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est mort en 628 de l'Hégire. Et donc, est-ce que vous imaginez un élève ou une des fréquentations de l'imam Shafi'i venir voir Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Et donc, on va opter pour la réponse 2 de Yassine. Une personne qui s'affilie au madhab de Shafi'i. Ok? Une personne qui s'affilie au madhab, à l'école juridique de l'imam al-Shafi'i. Et donc il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qadima alayna hajjan. Il est venu nous voir pendant qu'il faisait le hajj. Wa kana min ahli al-khayr wa ad-din. Il faisait partie des gens du bien et de la religion et de pratiques religieuses. Wa shaka man nas fihi min tilka al-bilad. Et il s'est plaint de la situation des gens dans leur pays. Wa fi dawlati Tatar min ghalabati al-jahl. Et il s'est plaint de l'état des Tatars, de la propagation de l'ignorance. Wa dhulm, de la propagation de l'ignorance et de l'injustice. Wa durusi dini wal ilm. Ça veut dire quoi? Wa durusi dini wal ilm. Et donc il s'est plaint de durusi dini wal ilm. Non, t'as déjà répondu, ça y est, c'est bon. Le crédit est épuisé. Nox Doros Eddin? Non. Hein? Le mot Durus ici, c'est pas Dars, des assises, des cours, etc. Indaras. Voilà. C'est la disparition. Il s'est plaint donc de la disparition de la religion et de la science. La religion et la science qui s'en va. Ça, c'est à leur époque, hein. C'est pas encore à notre époque, ça. وَسَأَلَنِيَنْ أَكْتُبَ لَهُ عَقِيدَةً تَكُونُ عُمْدَةً لَهُ وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ. Alors, il m'a demandé d'écrire une aqida, donc un épître lié à la aqida, qui soit une base sur laquelle il puisse s'appuyer, lui et les gens de chez lui. فَاسْتَعْفَيْتُ مِنْ ذَلِكِ. Alors, j'ai renoncé à cela. وَقُلْتُ قَدْ كَتَبَ النَّاسُ عَقَائِدَ عَدِيدَةً فَخُذْ بَعْضَ عَقَائِدِ إِمَّةِ السُّنَّةِ. Et donc j'ai dit, Cheikh al-Islam, il dit à la personne, les gens ont écrit beaucoup d'épîtres sur la Aqidah. sur la croyance. Alors prends l'épître d'un des imams. Alors il a insisté dans sa demande. Cheikh Al-Islam, il dit que la personne lui a dit, je ne voudrais qu'une aqida que toi, tu l'écrives. فَكَتَبْتُ لَهُ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ وَأَنَا قَاعِدٌ بَعْدِ الْعَصْرِ. Alors je lui ai écrit cette épître sur l'aqida alors que j'étais assis après l'asr. Subhanallah, tatakhayyal, après l'asr, tu te poses, tu écris une aqida et des années après, tu prends des récompenses là-dessus. Subhanallah, les gens, ils étudient ton livre près de 1000 ans après. Subhanallah, après l'asr, tranquillement. وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. Et il y a beaucoup de copies de cette épître qui se sont propagées en Égypte et en Irak et autres. Et aujourd'hui donc sur toute la terre. Fin de citation. فهذا مثال واحد لكن من أكثر القراءة في مجموع الفتاوى سيجد هذا كثيرا. Et donc ça c'est un exemple. Mais toute personne qui lit beaucoup le Majmou' al-Fatawa, les écrits du Cheikh al-Islam, il verra souvent cela. Et donc, فَلَا يُسْتَبْعَدْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَنْظُومَةِ أَلَّفَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et donc, il ne serait pas surprenant, et il n'est pas lointain, le fait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il ait réellement écrit ce poème que nous allons étudier. Et dans tous les cas, comme on citait les gens de science, c'est un poème qui est très profitable dans la croyance, qui cite les bases de Ahl Sunnati wal Jama'a et qui est concis, comme je l'ai dit précédemment, très facile à apprendre. On va donc commencer le premier vers. Il dit donc, Yasa'ili an madhhabi wa aqidati. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ô celui qui m'interroge concernant ma voie et ma croyance. Toute personne qui demande la guider, alors la guider lui est accordée. Et dans sa parole, Yasa'ili an madhhabi wa aqidati, ô celui qui m'interroge concernant ma voie et ma croyance. Fas-sa'il alladhi yas'alu 'an al-'aqida qad yakunu mukhasiman mujadilan. Il faut savoir qu'une personne qui interroge concernant la croyance, qui vient poser une question concernant la aqida, il se peut que cette personne soit venue avec une intention de débat et de conflit. Qu'alladhi sa'ala al-imam Malik malikan 'an illahi kayfa istawa. Comme la personne qui est venue interroger l'imam Malik, lui demandant comment est-ce que Allah s'est établi sur le trône. Cette personne, elle était venue pour débattre. Elle n'était pas venue pour poser une question, comment, etc. Et elle n'était pas venue pour comprendre. فَأَجَابَهُ الْإِمَامُ مَالِكِ قَائِلًا الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْرَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ. Et donc l'imam Malik, il a répondu à cette personne, l'établissement sur le trône est connu. Le comment est inconnu. Et la foi en cela est obligatoire. Et le fait de poser une question sur cela, sur le comment Allah s'est établi, ceci est une innovation. Et ensuite l'imam Malik a ordonné que cette personne soit sortie de la mosquée. Il a ordonné qu'on fasse sortir cette personne de la mosquée. وَمِثْلَ هَذَا لَا يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي الْإِسْتِرْسَالُ مَعَهُ فِي الْجِدَلِ. Et une personne qui vient comme ça, pour le débat, une personne qui vient comme ça, poser ce genre de questions, pour débattre, alors il ne faut pas débattre avec lui. Il ne faut pas lui accorder d'importance. Il ne faut pas débattre avec. Une personne qui vient nous voir à la mosquée pour embêter les croyants, poser des questions du genre « Ah, mais pourquoi est-ce qu'une femme, elle ne pourrait pas être imam ?»« Ah, mais pourquoi est-ce que on ne pourrait pas si, et autres. La personne veut débattre. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. La tut'ib nafsak, ne te fatigue pas. Wal atharu 'an as-salaf fi hadha kathiratun jiddan. Et les textes stipulant les paroles et les actes des salafs en cela sont très nombreux. Akhraj ad-Darimi fi sunanihi. Ad-Darimi il a cité dans son livre As-Sunan. Qui connaît le livre As-Sunan d'ad-Darimi? Souvent dans les cours, on va parler, parfois on va aborder des livres, parce que c'est bien qu'on connaisse aussi les livres des imams de la communauté musulmane. Ad-Darimi, donc, il a un livre qui s'appelle As-Sunan. Mais en réalité, ce livre, il s'appelle Al-Musnad. Et donc là, on va revenir à ce qu'on a vu hier. Et donc, hier, on a vu un sujet un petit peu compliqué, je dis bien un petit peu, pas beaucoup. La différence entre le Mousned, un livre qui s'appelle un Mousned, et la différence entre un livre qui est Mousned. Tu étais absent. Vas-y. Mousned, c'est un livre qui classifie, on va dire, les hadiths en fonction des rapporteurs. Mm-hmm. Et un livre qui est Mousned, c'est un livre qui rapporte, on va dire, la chaîne de transmission. Franchement. Donc, les deux livres. Attends. Quoi? Dans le délire, franchement, attends, juste, je veux juste vérifier que c'est la réponse, elle est correcte. Juste, est-ce que tu t'es pas mélangé un petit peu? Répète-le-moi juste que je vérifie, que je sois sûr. Donc, un livre qu'on appelle Mousned. Celui-là, c'est un livre qui classifie les hadiths en fonction des rapporteurs. Donc, c'est classifié pour le livre, tu vois, selon les mots. Ça, c'est le nom du livre. Ça, c'est le Mousned. Voilà. Et un livre qu'on décrit comme étant Mousned. C'est un livre où tu as des hadiths et à chaque fois tu as la chaîne de transmission. Je t'aurais donné tous les livres, mais. Alors, ma berek. Et donc, on a vu un livre qui est caractérisé comme étant Mousned, c'est un livre qui cite les hadiths avec les chaînes de transmission. Et un livre qu'on appelle Mousned, c'est un livre qui va ranger, dont les hadiths sont rangés par ordre des rapporteurs. C'est pas comme le Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim ou Sunan ou Jami' al-Tirmidhi ou autres où les ahadiths sont rangés en fonction des sujets de fiqh. Si tu ouvres ce genre de livre, tu verras tout d'abord Kitab al-Tahara, le chapitre, le livre de la purification, et ensuite Kitab al-Salat, ensuite le livre de la prière, Kitab al-Zakat, etc., etc., etc. Donc tu verras des sujets de fiqh. Ça, c'est dans les livres qu'on appelle As-Sunan. Mais dans les livres qu'on appelle Mousned, ces livres-là sont classés selon l'ordre des rapporteurs dans les chaînes de transmission. Par exemple, comme on a dit hier, on a Mousned Aïcha. Il commence d'abord en citant donc, les hadiths de Aïcha, tous les hadiths de Aïcha, et ensuite on passe à un autre. Et donc, ensuite, après avoir fait ce petit rappel, pourquoi est-ce que j'ai cité cela? C'est parce que le livre de Darimi, si tu le cherches, en fait, ce livre, à la base, il s'appelle Mousned. Parce que son auteur, il l'a appelé comme ça. Mais lorsque les savants ont vu que le classement des ahadiths dans le livre correspondait au chapitre de jurisprudence, ils l'ont appelé Sunan. Et donc le livre, petit à petit, il a changé de nom jusqu'à ce qu'on l'appelle Sunan. Alors que son nom de base, c'est Mousned. Juste une petite faïda. Au cas où, si un jour l'un d'entre vous il cherche le livre, Abdul Karim nous a cité dans tel et tel livre, etc., je ne le trouve pas. Ben, c'est parce que le nom il a changé. Et donc, Ad-Darimi, il cite dans son livre, il dit Akhbarana Saïd ibn Amir. Et donc, Ad-Darimi nous dit Saïd ibn Amir, il nous a informé que Saïd ibn Amir, c'est un rapporteur qui est fiable. Akhraj lahu al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim l'ont cité dans leur recueil, tous les deux. Et donc, Saïd ibn Amir, il nous rapporte une information selon Asma ibn Ubaid. Asma ibn Ubaid, lui aussi, il est fiable. Muslim l'a cité dans son recueil. Kale. Et donc, Asma ibn Ubaid, il dit Kale دخل أصحاب الأهواء قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. Et donc, il nous dit, Asma ibn Ubaid, deux hommes sont allés voir Mohammed ibn Sirin. Mohammed ibn Sirin, un imam, parmi les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit, Ya Aba Bakr. C'est la kunya de Mohammed ibn Sirin. Ya Aba Bakr. Pouvons-nous te réciter un hadith? Qala la. Il a dit non. فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. Ou alors nous te récitons un verset du livre d'Allah. Juste un. قَالَ لَا لَتَكُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَكُومَنَّ عَنْكُمْ. Il a dit non. C'est soit vous vous levez et vous partez, soit moi je pars. Mais je ne vais pas rester là et discuter avec vous. قَالَ فَخَرَجَ. Alors, Asma ibn Ubaid, il nous dit, donc les deux, ils sont partis. Qala ba'du al-qawm, ya Aba Bakr, wa ma kana 'alayka an yaqra'a 'alayka ayatan min kitabillah. Certaines personnes qui ont assisté à cela ont dit, oh Aba Bakr, Mohammed ibn Sirin, qu'est-ce qui t'a empêché qu'il te récite un verset du livre d'Allah? Qu'est-ce qui t'empêche qu'il récite un verset? قال خشيت أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. Il a dit, j'ai eu peur qu'il me récite un des versets du livre d'Allah et qu'il le transforme. La transformation, elle peut être soit dans la signification ou elle peut être soit dans les termes même. Changer le verset. Comme certains voulaient changer le verset. Wa kallama Allahu Musa taklima. Et donc, Allah, il a parlé à Moussa. Et donc, certains, ils avaient la ferme, ils avaient dans leur croyance éloignée de la vérité, le fait de dire que Allah ne parle pas. Alors, quand ils voient ce verset-là, c'est un problème pour eux. Alors, ils vont voir certains récitateurs et disent, s'il te plaît, est-ce que tu peux réciter وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Moussa, il a parlé à Allah. C'est pas Allah qui a parlé à Moussa. Et donc, la transformation, elle peut se faire soit dans les termes, soit dans l'explication du verset. Alors il dit, j'ai eu peur qu'il ne transforme le verset et que cela ne reste dans mon cœur. Il a eu peur pour sa propre personne alors que c'est un savant. Alors que c'est un savant. Aujourd'hui, que dire de nous à notre époque? Souvent, parfois, on a du mal à connaître les bases de notre religion. Et on prend notre téléphone, on a une question, on va voir Google, on écrit la question. Plusieurs réponses sont données sur plusieurs sites. Un site marqué Islam, je ne sais pas quoi, ou Islam, je ne sais pas quoi. Tant que c'est marqué Islam, alhamdoulilah, c'est bon. Je vais dedans. Ou tant que c'est marqué Sunna, c'est bon, je vais dedans. Et c'est là que des personnes tombent dans l'égarement. C'est là que du jour au lendemain, tu entends dire qu'il y en a un qui est parti en Syrie. On ne sait pas pourquoi. Comment c'est arrivé? Ah ben voilà. Simplement. Le téléphone. Il a appris sa religion de personnes qu'il ne connaissait pas, de personnes qui n'étaient pas fiables, et ça donne un égarement. Et donc, il est important de ne pas débattre avec des personnes qui suivent leur passion concernant la religion. Et il est important de ne pas apprendre notre religion chez des personnes dont on ne connaît pas leur aptitude à enseigner. C'est un point essentiel. Wa amma man ja'a yas'alu lil fa'ida yurid an yata'allama dinahu an ya'rifa al 'aqidata as-sahiha. فَهَذَا نَجْلِسُ مَعَهُ وَنُبَيِّنُ لَهُ إِنْ كُنَّ نَقْدِرُ. Mais une personne qui demande pour profiter, pour apprendre sa religion. La personne, elle a une question, elle veut comprendre sa religion. Alors cette personne, elle vient, on s'assied avec et on lui explique. Si on a la capacité de le faire. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ et discute avec eux de la meilleure façon. Et donc, le débat n'est pas tout le temps interdit. Si une personne vient, la personne cherche réellement à comprendre sa religion. Elle a des ambiguïtés, mais elle veut comprendre. Alors on lui explique. Il n'y a pas de mal à cela. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله. البخاري ومسلم ont cité selon عبد الله بن مسعود qu'il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم quel est le plus grand péché auprès d'Allah. Il est venu lui poser une question. Il voulait comprendre sa religion. Le prophète lui a dit أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Que tu accordes à Allah un associé alors que lui, que tu accordes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Et ensuite, dans la parole de l'auteur, lorsqu'il dit Ruziq al-huda man lil-hidayati yas'alu. Quiconque, toute personne qui demande la guider, alors la guider lui est accordée. Yuhtamal an yuradu bidhalika ad-du'a kama annahu yuhtamal an yuradu dhalika al-khabar. Il se peut que ça soit une information qui soit voulue par cette phrase, comme il se peut que ce soit une invocation. Parce que dans la langue arabe, les deux vont avoir la même forme. Sauf que moi, dans la traduction, j'ai traduit sous une forme d'information. Mais sinon, je peux très bien traduire en disant que la guidée soit accordée à celui qui la demande. Donc, la traduction sous forme d'information ou la traduction sous forme d'invocation, les deux peuvent être corrects ici selon les termes qui ont été utilisés. Wa ala kullin fa su'al al-hidayati 'azim. Falidhalika awjabahu Allahu 'alayna 17 marratan fil yawm. Et c'est pour cela que le fait de demander la guidée est quelque chose de très important. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a rendu obligatoire 17 fois par jour. Dans quel passage? Ihdina sirat al-mustaqim. Comme on l'avait vu ici, dans cette mosquée. Akhraja muslimun an Jabir anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yakhthubu yaqul man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. L'imam muslim l'a cité selon Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait le sermon. Et il disait, celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah égare, personne ne peut le guider. Ça, vous l'entendez chaque jour. Hein? Personne ne peut le guider. Idan al-amru biyadillah. Et donc, tout revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa nahnu alayna bil asbab. Cependant, nous devons accomplir les causes. Tu veux que Allah te guide? Accomplis les causes. On a cité, il n'y a pas si longtemps que ça, des causes de guider. Une grande cause de guider. Laquelle? Non. Une grande cause de guider. Ad-du'a, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Le fait de demander la guider. Mais on avait cité une fois. Tu as dit quoi? Tu as dit tawakkul, c'est bien ça? Hein? C'est pas soi. Ad-taqwa. Naam. Et donc, ad-taqwa, une grande cause de guider. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Celui qui craint Allah, celui qui a la taqwa envers Allah, il lui accorde le discernement. On avait dit que la taqwa est une cause qui augmente la guidée. Et de la même façon, il y a le fait de ne pas s'asseoir avec n'importe qui. Il a été rappelé, il a été cité d'Ibn Abbas, comme dans Al-Shari'a lil-Ajuri. Qu'Ibn Abbas il dit la tujalisu ahl al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil-qulub. Ne vous asseyez pas, ne fréquentez pas les gens de la passion. Selon Ibn Abbas, ne fréquentez pas les gens de la passion. Pourquoi? Parce que leur fréquentation est une cause de maladie des cœurs. Une cause de maladie des cœurs. Des personnes qui ont des ambiguïtés. Oui, on m'a dit que tel et tel gouverneur, c'est un mécréant. Et que, attention, si on ne dit pas que c'est un mécréant, ça veut dire que tous les gens sont des mécréants. On m'a dit que les imams des mosquées sont tous des mécréants. Faut pas prier derrière eux. Tu lui expliques. Après, tu lui dis, t'as compris? Oui, j'ai compris. Alhamdulillah. Il repart, le lendemain, il revient avec une autre ambiguïté. Tu l'as prise où? Ah. Arrête de fréquenter des personnes qui ont des maladies. À chaque fois que tu reviens malade, tu veux qu'on te donne le remède. Oui, il y a ci, oui, il y a ça, ainsi de suite. On joue. Non. Arrête de les fréquenter, c'est réglé. Et donc, il faut faire attention à ce point essentiel. On cherche la guider. On veut la guider, on fait les causes. Et on invoque Allah tabaraka wa ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.